a 100% francês, Express ET. Uma seleção de Ricardo de Matos. Olá, boa tarde. É o último domingo de agosto e é também o último fim de semana a trazer o 100% francês no formato Express ET, que ao longo dos meses de julho e agosto esteve a oferecer fins de semana temáticos dedicados apenas a um género musical. Terminamos com o R&B, que vai ficar por aí ao longo da próxima hora. Já agora gostava também de saber se lhe agradou este formato de verão. Faça-me saber através do meu e-mail, rmatos@radioeuropa.fm. 100% francês, Express ET. R&B. Leslie, mise au point. 2008. Pour s'installer, quelques verres de vin blanc pour exciter le manque. Et on se repasse le fil sur un air de romance. On voit les débuts et on connaît la fin. Ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin. Si ça vous dérange pas trop, bonjour, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel. Ça ne concerne pas grand monde, puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Déjà moins de soucis à se faire. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie, sur les clichés trop pâles d'une love story, sur les tam-tam d'une femme sans alibi qui reste toute sa nuit. Juste une mise au point pour un petit clin d'œil de survie, pour tous les fous, les malades de l'amour, pour toutes les victimes du romantisme comme moi. Juste un petit clin d'œil et mise au point. Nos vacances au soleil sous les yeux d'aimer dans un institut de beauté. Notre super voilier qui a jamais vu la mer. Nos lits improvisés sur un morceau de moquette. Les discussions fin de soirée chez les copains. Oh oui, parlons-en des copains. Pour foutre la merde, ils sont champions. Vos grands soutiens, quand tu me dis je t'aime. Nos scènes de jalousie qui fatiguent tout le monde. La rue des pères, matin, le soir en bêtard. Nos cris se font rire. Juste au mauvais moment. Oh, francês, Express ET. R&B. Asia, Fini. 2000. Fini. 100% francês, expressité. R&B. Un gum, Zistoman. 2008. Trust me, I'm gonna be your man. Right. Now I'ma tell you like a G told me. Cash rules everything around me. I see the ring, but it's really no thing. Audemars Piguet killing to his flame. Hold up, what you mean you got a man? Use him if you can, let's meet in Japan. Fly all over like Peter Pan. You know, I know, I'm the number one fan. Francês, expressité. R&B. Walem, Sergio Dinon. 2001. C'est ce que je vaux. J'ai rejoint le front de la rue. Non, moi, je suis pas du crew des vendus. Quand ils m'appellent à leur bureau, j'y vais. Ils veulent un

100% francês, Express ET. R&B. Marc-Antoine, Triste Novembre. 2008. Sera terminée. Elle en parle à ses proches. De son père elle décroche. Elle se dit qu'un jour de lui elle sera libérée. Tous les soirs elle tremble. Chaque fois qu'elle pense que c'est son père qui viendra pour l'aborder. Elle est seule dans sa chambre, pleure en silence. Elle n'a personne pour la réconforter. Tout ce qu'elle veut c'est la chance de vivre l'enfance qui ne lui a jamais été accordée. C'est une journée d'automne. Que Lisa ne pourra jamais oublier. Tous les soirs elle tremble. Chaque fois qu'elle pense que c'est son père qui viendra pour l'aborder. Elle est seule dans sa chambre, pleure en silence. Elle n'a personne pour la réconforter. Tout ce qu'elle veut c'est la chance de vivre l'enfance qui ne lui a jamais été accordée. C'est une journée d'automne, un triste novembre que Lisa ne pourra jamais oublier. Triste novembre. 100% fr.blogspot.com. A 100% francês, Express ET. Uma seleção de Ricardo de Matos. A 100% francês, Express ET. R&B. Willy Denzé, Et si tu n'existais pas? 2004. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses toits naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Les passants s'endormis dans mes bras que je n'aimerais. Francês, Express ET. R&B. Linsa, je veux que tu me montes. 2007. Compare-moi à des vieilles, dis-moi que je suis ta princesse. Je sais, un minimum d'être sexy, je sais. phare, tu manques. Baby, arrête de me parler d'avant quand on s'est rencontrés. Genre, j'ai tellement changé, je ne suis plus celle que j'étais. Arrête de m'énoncer, toi tu es femme sur qui tu fantasmes. Car en mon absence, j'imagine avec qui tu me remplaces. Fais-moi croire que je suis ton âme sœur. Baby, je t'aime si fort, parfois ça me fait peur. Fais-tu-moi un peu, chaque jour et fais-moi danser sur le rythme de l'amour. Francês, Express ET R&B e Karine, Soirée Retro 2001. Bye. trop de remonter la paix et s'isoler à huis clos. 100% français, Express ET. R&B. Zao, Kifandir. 2008. Je contemple les avions par la fenêtre. Barauder, moi qui veux m'évader. Francês, Express ET. R&B. Nadia, Si Loin de Vous. 2004.

histoire qui se rencontre, que l'histoire qui se raconte. Une chanson pour le dire, y'a les mots, les images pour le décrire. Les rencontres à l'ancienne, en flash, y'a ta magie sur scène. Le rythme tombé, c'est terminé, une belle collabo, des mots sur une feuille qui sont rappelés. Cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rap, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you, hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux. Centro francês, Express ET. R&B. Jerry Faluna, A Ce Qu'Il S'Aime. 2009. Centro francês, Express ET. R&B. Jalane, Femme. 2001. Ah. Hey, hey, hey. Mais veulent se donner le choix, combative et non soumise, à ne créer que la vie, parcourir un chemin de glace, laisser derrière elle une trace. Elles veulent avant tout goûter à l'égalité, bâtir des hommes, leur propre respect, volonté de s'assumer. Si bien mérité, effacer les plaies du cœur, abolir enfin les mœurs que certains hommes ont refusé, peur d'être un jour dépassé. Francês, Express ET. R&B. Gina, Time. 2003. Je vais finir par le faire. vas-y, il faut que je me concentre sur ma vie. Bien-être devient ma priorité. Cent francês, Express ET. R&B. Sim, la première fois. 2008. Sur moi me défile tant d'images. comme ça, non, comme ça, non, la première fois comme ça, comme ça, non, la première fois comme ça.